Ce thème, la péninsule coréenne au seuil de la guerre, l'association d'études de la politique de Sungun de la Grande-Bretagne a condamné dans son homepage d'internet les menées de provocation militaire des bellicistes américains et sud-coréens.